ne viennent couvrir ton corps des pieds jusqu'à la tête. Toi qui n'auras jamais le droit d'être à la fête.